Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. En avril 2015, l'aéroport de Toulouse-Blagnac était vendu à une société française détenue par des capitaux chinois, Casil Europe. L'arrivée d'actionnaires chinois célébrée en grande pompe sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Été 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron vient de boucler la première privatisation d'un aéroport français. Un consortium chinois a offert le meilleur prix et s'engage à réaliser 850 millions d'euros d'investissement sur 30 ans. Une opération à valeur de test. Il a été décidé d'ouvrir le capital de l'aéroport de Toulouse comme il sera proposé d'ouvrir le capital d'autres aéroports de proximité. Moins de 4 ans plus tard, l'actionnaire chinois veut déjà quitter Toulouse. Alors, que s'est-il passé ? La privatisation a-t-elle tenu ses promesses ? Alors, où est le Super Fail ? Eh bien, tout simplement, Casil Europe a annoncé début 2019 remettre en vente l'aéroport pour 500 millions d'euros, soit une coquette plus-value de 250 millions d'euros. Bonjour Alain Gastal. Bonjour. Vous êtes journaliste au bureau de Radio France de Toulouse. Expliquez-nous pourquoi Casil Europe a été choisi pour privatiser l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est quand même une drôle d'idée de donner à des Chinois un actif stratégique. Alors c'est très simple, la réponse tient en une phrase, tout simplement parce que au moment de la privatisation, décidée, amorcée on va dire par Arnaud Montebourg, puis ensuite réalisée sous le ministère de Emmanuel Macron, eh bien au moment où les appels d'offres ont été lancés, Casil, qui a été le nom de la holding française de droit français, mais à capitaux chinois, Casil était tout simplement l'actionnaire, le candidat qui proposait la somme la plus importante et de loin pour devenir actionnaire à 49,9% de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Casil proposait 308 millions d'euros, c'est-à-dire 18% de plus que le meilleur candidat français ou européen. Il y avait 3 autres candidats qui avaient été retenus. Et l'Agence des participations de l'État, qui est l'auteur de cette prise de capital, ce n'est pas une privatisation puisqu'il n'y a que 49,9% qui ont été vendus, a considéré qu'il n'était même impossible de faire un nouveau tour. Malgré toutes les réserves qu'on avait à l'époque sur Casil, l'offre était tellement supérieure aux 3 autres qu'on était obligé juridiquement, sauf à risquer des contestations devant les tribunaux, de choisir l'offre Casil pour devenir actionnaire, donc à 49,9% de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mais alors, en dehors du prix, Alain Gastal, le projet de Casil Europe, quel était-il ? Parce que j'imagine que ces braves gens ne se sont pas contentés d'arriver là-bas avec un prix. Alors, ils avaient un projet, si, faut le reconnaître, ils avaient même un projet assez alléchant, en deux temps. D'abord, le premier projet, c'est « Nous sommes chinois, nous allons faire venir les touristes chinois » à Toulouse, c'est-à-dire que les 100 millions de Chinois qui transitent tous les ans par l'Europe, soit pour leurs affaires, soit pour le tourisme, eh bien dorénavant, ou en tout cas à terme, ils passeront par Toulouse parce que l'aéroport sera géré par des Chinois et donc forcément nous allons faire de la publicité pour Toulouse, etc. Et évidemment, localement, on était assez intéressés par ça, même si c'était pas forcément très très réaliste parce que on imagine mal les touristes chinois qui passent une ou deux semaines de vacances en Europe, commencer par Toulouse en général, ils vont plutôt à Paris, à Londres, voire à Madrid, mais Toulouse c'est pas forcément la porte d'entrée la plus évidente pour les touristes ou pour les hommes d'affaires chinois en Europe. Et puis la deuxième... Ils ont tort, hein, Alain, il faut quand même le dire. Ouais. Il devrait d'abord visiter Toulouse, moi je les invite. Oui, il peut toujours aller ferme auberge du Tarn-et-Garonne, mais c'est pas forcément qui les intéresse en premier, c'est plutôt les châteaux de la Loire quand ils viennent en France. Et puis le deuxième côté alléchant, c'est que Casil, qui arrive pour 30 ans à Toulouse, donc qui signe pour 30 ans, eh bien a promis 850 millions d'euros d'investissement, ce qui est tout simplement énorme. Mais attention, les 2/3 de ces promesses seront faites dans la deuxième moitié de la concession, c'est-à-dire à partir de 2031. Donc il y avait un petit loup là-dessus déjà. Puis surtout la grande réserve, la perplexité que relève d'ailleurs très très vite la Cour des comptes, c'est que Casil est un consortium chinois un peu complexe. On trouve déjà des sociétés qui sont détenues par l'État chinois, qui déjà, bon, on peut poser problème. On trouve aussi des sociétés de droit des îles Caïmans, enfin bon. Et puis Casil Europe, qui est le consortium créé pour prendre le contrôle de l'aéroport, eh bien, n'a que 10 000 euros de capital social. Elle a une adresse en France qui est une boîte aux lettres, simplement. Donc, il y a déjà des premiers doutes. Et il y a, à l'intérieur de Casil, personne qui a l'expérience de la gestion d'un aéroport. Il y a simplement quelqu'un qui est Monsieur Mike Poon, qui est le dirigeant de fait de ce consortium, qui lui est un client d'Airbus via une société de location d'avions. C'est quelqu'un qui, au moment où il prend le contrôle de l'aéroport de Toulouse, est aussi en train de négocier un gros contrat avec Airbus pour louer des avions à des compagnies chinoises. Attendez, attendez, Alain, vous êtes en train de me dire que l'État français aurait vendu la moitié de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des gens qui ne sont pas des professionnels de la gestion d'un aéroport ? Ah ben c'est exactement ça, ce sont des gens qui n'ont aucune... Il y avait l'aéroport de Shenzhen qui au départ faisait partie du consortium mais qui finalement n'était plus dans le lot final, on va dire qu'il n'était plus dans Casil une fois que la privatisation a été faite. Et puis il y avait un nouveau partenaire, un autre partenaire qui était canadien. D'ailleurs au début on parlait d'un consortium sino-canadien qui est la SNC-Lavalin, qui était propriétaire ou en tout cas gestionnaire de quelques aéroports de taille très modeste. Hein. En France, le plus gros qu'ils aient, c'est l'aéroport de Nîmes. Sinon, ils ont des tout petits aéroports. Eux, ils avaient une petite expérience, on va dire, de la gestion d'aéroports, les Canadiens de SNC-Lavalin. Mais eux, ils ont également été sortis du lot une fois que la privatisation a été actée. Et donc, ils ne font plus partie de Casil une fois que la concession a été donnée aux Chinois. Mais ça semble quand même assez incroyable, Alain Gastal, parce qu'on se dit que l'État a été extrêmement imprudent dans cette vente. Ah ben l'État était tellement imprudent qu'il y a eu des recours qui ont été faits, hein, qu'il y a eu plusieurs recours qui ont été faits, notamment par les organisations syndicales, par également un collectif contre la privatisation de l'aéroport de Toulouse qui a mené de nombreuses actions et notamment une qui est en train d'être examinée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et récemment le commissaire du gouvernement devant la commission de la Cour administrative d'appel a suggéré d'annuler la privatisation et donc de revenir à la case départ. Ce qui rajoute encore à l'imbroglio de cette prise de participation des Chinois dans l'aéroport de Toulouse. Alors si on se résume, Alain Gastal, donc Casil Europe achète ces 50%, un peu moins... 49,9. 49,9, voilà, vous êtes plus précis que c'est moi. Important, hein. C'est important. C'est important, effectivement, vous avez raison. Ce qui est important, c'est que dans les 49,9, ça permet... Il y a un pacte d'actionnaires qui est fait pour que les Chinois soient en fait les opérateurs. Donc ce sont eux qui vont gérer de fait l'aéroport, même si en fait le management sera essentiellement français et européen. Jean-Michel Verne reste le patron de fait de l'aéroport. Il l'était déjà depuis 1999. Il n'est parti que l'an dernier. Et le management reste français. C'est Madame Hydrac qui était la représentante des intérêts chinois, une ancienne ministre de Monsieur Giscard d'Estaing. Donc l'actionnariat était chinois, mais le management est resté français. Et ce qui est important, c'est que il y avait une option pour que les Chinois deviennent, alors cette fois majoritaires dans le capital, c'est les fameux 10,1% que l'État a conservé, qui permettait d'ailleurs à Monsieur Macron de dire que ce n'était pas une privatisation, mais une entrée au capital, une prise de participation. Ces 10,1%, il y avait une option pour que en 2018, eh bien l'État éventuellement les cède à Casil, donc aux Chinois, pour que cette fois ils deviennent pour de bon majoritaires dans le capital de l'aéroport. Et finalement, cette transaction ne s'est pas faite, et elle ne s'est pas faite parce que tout simplement la privatisation s'est mal passée, en tout cas l'entrée des Chinois s'est mal passée, notamment sur l'histoire des dividendes. On a vu dès la première année que les Chinois voulaient en gros se payer sur la bête, comme on dit ici, et récupérer en tout cas une partie de leur investissement en se servant sur les dividendes, et y compris sur les réserves accumulées depuis plusieurs années par la gestion de l'aéroport précédente. Bon, mais alors dites-nous, Alain, vous qui êtes utilisateur de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, est-ce que le service est détérioré ? Est-ce que c'est resté identique à ce que l'aéroport était auparavant ? Non, ça va, tout va très bien. C'est ça qui est terrible, c'est que on parle beaucoup de cette histoire. Il y a effectivement un gros problème autour de cette prise de participation, mais concrètement, l'aéroport vit sa vie et il la vit très très bien. On est passé de 7,5 à 9,5 millions de passagers par an. C'est une croissance parfois à deux chiffres, en tout cas une croissance très importante. L'aéroport a investi, il s'est amélioré, il s'est simplifié. Il y a maintenant une seule file d'attente pour embarquer, donc on a simplifié également évidemment, les procédures. Donc vraiment, c'est un aéroport qui va bien. Il n'y a pas de conflit social. J'ai regardé mes archives. Il y a eu des conflits sociaux à l'aéroport dans les années 2011-2012, mais depuis la privatisation, il n'y a pas de conflit social. J'ai envie de dire, tout va bien. L'aéroport se porte bien. On est arrivé à 58 destinations à l'international. Donc c'est un aéroport qui va très bien, qui a même doublé depuis la privatisation ou depuis la prise de participation des Chinois. Il a même doublé celui de Marseille pour être le troisième aéroport de province après Nice et Lyon, alors qu'il n'était que quatrième il y a 5 ans. Bon, mais alors la question compliquée aujourd'hui, est-ce à mettre à l'actif de ces Chinois? Est-ce qu'ils ont réussi à faire prospérer leur petite entreprise? Non, c'est un aéroport qui était bien géré auparavant, il faut le savoir. Donc les précédents actionnaires, c'est-à-dire les entreprises publiques, les collectivités locales et la chambre de commerce avaient une gestion de père de famille, c'est-à-dire que en gros la moitié des bénéfices étaient répartis soit sous forme de dividendes, mais l'autre partie avait été mise dans un fonds de réserve pour les futurs investissements. Et là où ça a coincé avec l'arrivée des Chinois, c'est que dès qu'ils sont arrivés, les Chinois ont voulu commencer à puiser dans ces réserves. Alors, dans un premier temps, ils auraient voulu, ça n'a jamais été confirmé, se servir en prenant quasiment la totalité des réserves, 50 millions sur les 60. Finalement, après négociation, ça s'est limité à une quinzaine de millions la première année, mais surtout, ils ont décidé de répartir tous les bénéfices sous forme de dividendes, et ça, les actionnaires locaux ne l'ont pas accepté. Donc, il y a eu beaucoup de soucis. Il y a eu notamment une assemblée générale d'actionnaires qui s'est très mal passée. On voulait envoyer un huissier de justice. Il y a eu des procédures judiciaires qui ont été engagés. Finalement, ils n'ont pas réussi. Et puis, il y a le fameux pacte d'actionnaires qui avait été conclu entre l'État et Casil, le Chinois, dans lequel certains reprochaient à l'État de donner les mains libres à Casil pour faire en gros ce qu'il voulait. C'est-à-dire que l'État, les représentants de l'État au CA, s'étaient plus ou moins engagés à voter comme Casil. En fait, quand on a su l'exact contenu du pacte d'actionnaires, ils s'étaient simplement engagés à voter en fonction du projet industriel qui avait été présenté en 2014 au moment de la prise de participation. Ça n'a pas empêché l'État de se retourner finalement, puisque les 10,1% qui étaient promis en 2018, l'an dernier, donc à Casil, n'ont finalement pas été cédés par l'État. Et on en est là aujourd'hui. On est revenu, si j'ose dire, au point de départ. La privatisation n'est pas actée, n'est pas terminée. Elle n'a pas été achevée. Elle est inaboutie. Donc les Chinois sont toujours opérateurs, mais ils ne sont pas majoritaires au capital. Donc ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et puis surtout, maintenant, les collectivités locales font une pression énorme sur l'État pour qu'il leur cède sa participation, quitte d'ailleurs à ce que ça coûte un petit peu cher. Il y en a pour 50 ou 60 millions d'euros, pour, à leur tour, redevenir majoritaires dans le capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors voilà, donc aujourd'hui, on l'a dit, Casil va revendre cette participation. En tout cas, il souhaite le faire. C'est une sacrée bonne affaire pour ce groupe. Alors, ils vont gagner sans doute 200 millions d'euros. Alors, s'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire pour l'instant, ils ont acheté, donc je vous l'ai dit, 308 millions d'euros en 2014. Ils ont confié le mandat de revente de leur part à la banque Lazard, un peu à la surprise générale. On a appris ça au début de l'année. La banque Lazard qui, a priori, doit en tirer 500 millions d'euros, c'est-à-dire que les Chinois de Casil récupéraient un petit peu moins de 200 millions d'euros. Alors, attention, ils disent, eux, avoir quand même investi entre-temps 92 millions d'euros dans les structures de l'aéroport, mais ils ont aussi récupéré environ une cinquantaine de millions d'euros de dividendes sur les bénéfices. Donc ce sera une très très très bonne affaire pour les Chinois de Casil s'ils parviennent à revendre au prix qu'ils ont fixé, 500 millions d'euros, s'ils trouvent un repreneur, parce qu'il faut savoir que le repreneur, il y aura la même insécurité juridique, il va se retrouver actionnaire opérateur, mais actionnaire minoritaire, donc sous la surveillance des 40% des collectivités locales et de la chambre de commerce et des 10,1% de l'État qui change tout. 10,1% dont l'État veut se débarrasser. Bruno Le Maire l'a encore dit très récemment. Reste à savoir qui sera le repreneur de ces 10,1%, sans oublier donc l'incertitude juridique autour de la Cour administrative d'appel qui pourrait, dans les prochains mois, annuler tout simplement la privatisation de 2014. En tout cas, la prise de participation des Chinois de 2014. Et alors, dans cette hypothèse, est-ce que l'on peut imaginer que les Chinois trouvent preneur, qu'ils réussissent donc à revendre je vais pas vous demander un pronostic, Alain, c'est toujours risqué de faire ça, mais est-ce que ça paraît déraisonnable? Alors, il y a des candidats. Il y a des candidats, c'est un peu toujours les mêmes candidats. Il y a Vinci, il y a Eiffage, il y a ADP, je crois également, qui est candidat pour la reprise, ou qui l'était en tout cas pour la reprise de l'aéroport de Toulouse. Donc il y a des candidats. Les offres n'ont pas encore été ouvertes, donc on ne sait pas. Et les candidats ont été retenus par la Banque Lazare. Il y aurait également un candidat chinois. Alors là, ça a fait un effet de frayeur dans le petit monde toulousain quand on a appris qu'il y avait également un chinois qui était candidat. Un chinois qui était également, a priori, dirigé ou en tout cas drivé par Mike Poon, donc le patron de Casil, qui pourrait se revendre à lui-même indirectement. Mais finalement, a priori, les Chinois ont été écartés de l'appel d'offres final. Donc il y a des candidats. Sont-ils prêts à mettre les 500 millions ou davantage? Parce que l'aéroport, je l'ai dit tout à l'heure, est en progression continue. C'est un aéroport qui va bien, qui se porte bien, qui gagne de l'argent, hein, qui gagne des passagers, qui gagne de l'argent, qui s'est modernisé. Il y a un projet d'hôtel juste à côté. Enfin, c'est vraiment un aéroport où tout se passe plutôt bien, en tout cas en ce qui concerne le côté opérationnel. Reste à trouver maintenant un actionnaire qui va se coltiner à une incertitude juridique sur la privatisation, et puis surtout qui va se retrouver devant le même problème, à savoir actionnaire et opérateur, mais actionnaire minoritaire. Donc il va travailler sous la haute surveillance des autres actionnaires qui, en gros, lui diront de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Merci beaucoup Alain Gastal. Je rappelle que vous êtes journaliste au bureau de Radio France à Toulouse. Superfell a été dévasté par Théo Gomard, raté par Daphné Abgral et ruiné par Émilie Vallat à la réalisation.